Chapitre 47e, occasion qui ne peut se retrouver. Les éléments des dîners que donnait Mrs. Lennox étaient ceux-ci. Ses amis et elle y apportaient leur beauté, le capitaine Lennox sa connaissance de tous les sujets du jour, et M. Henry Lennox ainsi que quelques jeunes gens de talent et d'avenir qui étaient reçus comme ses amis, l'esprit, l'intelligence, la science profonde et variée, dont ils savaient se prévaloir sans tomber dans le pédantisme ou sans entraver le rapide courant de la conversation. Ces dîners étaient charmants et cependant le secret mécontentement qui agitait Marguerite l'y poursuivait encore. Elle voyait là le talent, le sentiment, les qualités acquises, les tendances vertueuses elles-mêmes ne servir que de matériaux pour des feux d'artifice, et le feu caché et secret s'épuisait lui-même en étincelles pétillantes. Il parlait des arts au point de vue des sens, ne s'occupant que des effets extérieurs au lieu de chercher à apprendre ce qu'ils ont à enseigner. Il se battait les flancs pour exprimer un enthousiasme de commande sur les sujets élevés lorsqu'ils étaient en compagnie, et il n'y donnait jamais une pensée lorsqu'ils étaient seuls. Ils dissipaient leur talent d'appréciation en un simple flux de paroles convenables. Un jour, au moment où les messieurs venaient de rentrer dans le salon, Mr. Lennox s'approcha de Marguerite et, lui parlant volontairement pour la première fois peut-être depuis qu'elle était revenue à Harley Street, « Vous ne paraissiez pas satisfaite de ce que disait Shirley pendant le dîner. Vraiment, ma figure est donc bien expressive. Elle l'a toujours été. Elle n'a pas perdu l'habitude d'être éloquente. » Je n'aimais pas l'entendre se faire, même en plaisantant, l'avocat de ce qu'il savait être mal, odieusement mal. Mais sa plaidoirie était bien spirituelle. Comme chaque mot portait, avez-vous remarqué le bonheur des épithètes? Oui. Et je le méprise, ajouteriez-vous volontiers. Parlez, je vous prie, sans scrupule, bien qu'il soit mon ami. Là, c'est justement cela qui, chez vous... Elle s'arrêta court. Il écouta un moment pour voir si elle finirait sa phrase, mais elle rougit et alla d'un autre côté, non pas cependant sans lui entendre dire clairement, quoique à voix basse. Si quelque chose en moi vous déplaît, voulez-vous être assez bonne pour me le dire et me donner ainsi quelque chance d'apprendre à vous plaire ? Plusieurs semaines s'écoulèrent sans qu'on entendît parler du voyage de Mr. Bell à Milton. Il en avait cependant parlé à Helstone comme d'une chose très prochaine. Marguerite pensait qu'il avait traité de ses affaires par correspondance, il ne s'étonnait pas de le voir prendre tous les moyens d'éviter d'aller dans un pays qui lui déplaisait. D'autant plus qu'il était loin de soupçonner l'importance qu'elle attachait à cette explication, qui ne pouvait être faite que de vive voix. Elle savait qu'il le jugeait nécessaire et qu'il le ferait certainement en quelques jours, mais qu'il s'inquiéterait peu que ce fût en été, en automne ou en hiver. On était au mois d'août, et il n'avait pas été question du voyage en Espagne auquel Edith avait fait allusion, et Marguerite essayait de se consoler de la perte de cette espérance. Mais un matin, elle reçut une lettre dans laquelle Mr. Bell lui disait qu'il arriverait à Londres la semaine suivante, qu'il désirait causer avec elle d'un projet qu'il avait conçu, que de plus il avait l'intention de voir un médecin, car il commençait à penser comme elle. Il lui était devenu agréable de croire que son irritabilité et sa mauvaise humeur étaient la faute de sa santé plutôt que de celle de son caractère. Il y avait dans l'ensemble de cette lettre un ton de gaieté forcée dont Marguerite fut plus tard frappée. Mais dans le moment, son attention fut attirée par les exclamations d'Edith. « Il va venir à Londres, » dit-elle. « Oh ciel, je suis si fatiguée de la chaleur que je n'aurai jamais la force de donner encore un dîner. En outre, tout le monde est parti, excepté nos stupides personnes qui ne savent jamais décider où elles veulent aller. Nous n'aurons qu'un convive aimable pour lui tenir compagnie. Je suis bien sûr qu'il aimera 100 fois mieux dîner avec nous seuls qu'avec les étrangers les plus agréables que tu puisses rassembler. » En outre, comme il n'est pas bien portant, il ne se souciera pas de recevoir des invitations. Je suis bien aise qu'il en convienne enfin. J'étais sûr, d'après le ton de ses lettres, qu'il était malade. Cependant, il n'avait pas voulu me répondre quand je lui avais demandé ce qu'il en était, et je ne pouvais m'adresser un tiers pour avoir de ses nouvelles. Oh, il n'est pas bien malade, ou il ne songerait pas aller en Espagne. Il ne parle pas de l'Espagne. Non, mais ce plan qu'il doit te proposer y a évidemment un rapport. Est-ce que tu consentirais vraiment à partir par un temps comme celui-ci? Oh, il va faire moins chaud de jour en jour, y consentir. Mais tout ce que je crains, c'est d'y avoir trop pensé et de l'avoir désiré avec cette ardeur peu chrétienne qui est toujours désappointée ou qui, si elle est satisfaite, ne l'est que dans la lettre, tandis que dans l'esprit on n'y trouve pas de plaisir. Mais cette pensée-là est superstitieuse, il me semble, Marguerite. Non, je ne le crois pas. Seulement, elle devrait m'empêcher de me laisser aller à des désirs si passionnés. Ma chère Marguerite, ils te persuaderont de rester là-bas. Et alors, que deviendrai-je? Oh, je voudrais te trouver un mari ici, pour être plus sûr de toi. Je ne me marierai jamais. Quelle absurdité! Comment? Mais Sholto disait encore hier que tu ajoutes un tel charme à nos réunions, qu'il connaît beaucoup d'hommes qui se trouveront très heureux d'être reçus ici l'année prochaine à cause de toi. Marguerite se redressa avec hauteur. Sais-tu, Edith, ce que je pense quelquefois que tu as rapporté de ta vie de Corfou? Quoi? Une nuance de grossièreté. Edith se mit à pleurer si amèrement et à déclarer avec tant de véhémence qu'il ne pouvait plus compter sur l'affection de Marguerite, que celle-ci en vint à penser que son orgueil blessé l'avait fait s'exprimer trop durement, et en expiation elle se fit pendant le reste du jour l'esclave d'Edith. Tandis que la petite personne, accablée par la douleur de voir ses sentiments méconnus, restait couchée sur le sofa, poussant de temps en temps un profond soupir jusqu'à ce qu'enfin elle s'endormit. Mr. Bell ne parut point, même le jour où il avait remis sa visite pour la seconde fois. Le lendemain matin, Marguerite reçut une lettre de Willis, son domestique, qui disait que son maître s'était senti mal à l'aise depuis quelque temps, ce qui avait été cause du retard apporté à son voyage, et que le jour même où il se préparait à partir, il venait d'avoir une attaque d'apoplexie. Willis ajoutait que les médecins n'espéraient pas qu'il passait la nuit, et qu'il était plus que probable que lorsque Miss Hale recevrait cette lettre, son pauvre maître aurait cessé d'exister. Marguerite reçut la lettre pendant le déjeuner. Elle devint très pâle en la lisant, puis, la mettant silencieusement entre les mains d'Edith, elle quitta la chambre. Edith fut terrifiée par la lecture de la lettre. Elle pleura et sanglota bruyamment comme un enfant au grand désespoir de son mari. Mrs. Shaw déjeunait dans sa chambre, de sorte qu'il fut seul chargé du soin de calmer et de rassurer sa femme qui, pour la première fois de sa vie, se trouvait en contact avec la mort. Quoi? Un homme qui avait dû dîner avec eux le lendemain était mourant, peut-être mort à cette heure? Elle fut quelque temps sans pouvoir songer à Marguerite. Puis tout à coup elle se leva et se rendit dans la chambre de sa cousine. Dixon y était occupé à faire un paquet de quelques objets de toilette, et Marguerite, tout en pleurant, mettait à la hâte son chapeau, et ses mains tremblaient si fort qu'elle avait peine à en nouer les brides. « Oh, chère Marguerite, quel terrible événement !» s'écria Edith. « Mais que fais-tu là? Est-ce que tu vas sortir ?»« Sholto est tout à ta disposition pour faire écrire par le télégraphe ou toute autre chose. »« Je vais à Oxford. Il y a un train dans une demi-heure. Dixon m'a offert d'y venir avec moi. » Mais j'y serais bien allé seul. Il faut que je le revoie. Puis, s'il existe encore, il aura besoin de soins. Il a été pour moi un second père. N'essaie pas de m'arrêter, Edith. Mais si, il le faut. Maman ne sera pas contente. Il faut que tu ailles lui parler de ce projet, Marguerite. Tu ne sais même pas où tu vas. S'il avait seulement une maison à lui, ce ne serait rien. Mais un agrégé dans un collège. Viens trouver maman, pour savoir si elle veut que tu partes. Marguerite céda et manqua le train. Cet événement subit avait donné une attaque de nerfs à Mrs. Shaw et le temps se perdit à la soigner et à la calmer. Mais il y avait un autre train 2 heures plus tard, et après une longue discussion sur le plus ou moins de convenance du voyage, il fut décidé que le capitaine Lennox accompagnerait Marguerite, qui était inébranlable dans sa résolution de partir. L'ami de son père, le sien, était sur son lit de mort. Cette pensée se présentait si vivement à son esprit qu'elle fut surprise elle-même de la fermeté et de l'indépendance avec lesquelles elle s'était prononcée. Enfin, 5 minutes avant le moment du départ, elle était assise dans un wagon en face du capitaine Lennox. Ce fut une consolation pour elle d'être venue, bien qu'elle apprît en arrivant que Mr. Bell était mort dans la nuit. Elle vit les chambres qu'il avait occupées, et le souvenir s'en associa à jamais dans son esprit avec la pensée de son père et celle de son ami le plus cher. Le capitaine Lennox et Marguerite avaient promis à Edith que si tout était fini, comme ils le craignaient, ils seraient de retour pour le dîner. Il fallut donc quitter promptement cette chambre où son père était mort et dire un adieu douloureux à cette bonne et douce figure qu'elle avait toujours trouvée si bienveillante et si affectueuse. Le capitaine s'endormit pendant le retour à Londres, de sorte que Marguerite put pleurer en liberté et réfléchir à cette fatale année et à tous les malheurs qu'elle lui avait amenés. À peine était-elle bien convaincue d'une perte, qu'une autre venait rouvrir des blessures qui commençaient à se fermer. Mais lorsqu'elle entendit les voix affectueuses de sa tante et d'Edith, lorsqu'elle vit la joie innocente du petit Sholto à son arrivée, Marguerite sortit de l'accès de désespoir presque superstitieux où elle était plongée, et elle sentit que toute joie n'était pas à jamais perdue pour elle. Elle eut la place d'Edith sur le sofa, on apprit à Sholto à porter avec soin la tasse de thé de sa tante Marguerite, et lorsqu'elle monta s'habiller, elle put remercier Dieu d'avoir épargné à son bon vieil ami les souffrances d'une longue maladie.